Je nous revoyais à 5 ans sous le toit du lycée, tous les deux affolés d'être renages dans le bonheur et pas tant ce bonheur, j'aurais voulu rester collé sous tes nénés. Je nous revoyais 2 ans sous le toit de Paris, lui de gentils amoureux, mais c'est fait, j'ai déjà renoncé, on est là tous les deux, c'est pas vrai, c'est pas mieux, c'est pas vrai, c'est pas mieux. Je vais m'obliger pour me sevrer, je vais me forcer pour t'oublier, je vais m'engager à t'ignorer, à détester celle que j'aimais. Content c'est gentil mais quand tout fout le camp mais je coule tout le temps, je me mouche que c'est chiant malheureux même quand tout va mieux. Et puis non je m'en fous, c'est trop con d'être fou. Toi tu veux faire une pause, ta mère qui t'a donné l'idée, mais moi je veux pas, c'est comme ça, j'ai déjà renoncé, on est là tous les deux, c'est pas vrai, c'est pas mieux, c'est pas vrai, c'est pas mieux. Je vais m'obliger pour me sevrer, je vais me forcer pour t'oublier, je vais m'engager à t'ignorer, à détester celle que j'aimais. Je nous revoyais 20 jours sur le drap de ton lit, profiter de l'amour, de l'amour, de l'envie de rêver sans détour, cinéma, une vie d'espérer sans retour, mais voilà. Je nous revoyais 2 jours sur l'état des ennuis, oubliés pour toujours tous nos rêves jolis, dessinerai pour supporter les soucis, ne pas penser un jour que j'ai perdu ma mie, que t'as perdu ta vie. Je vais m'obliger pour me sevrer, je vais me forcer pour t'oublier, je vais m'engager à t'ignorer, à tester celle que j'aimais. Je vais m'obliger pour me sevrer, je vais me forcer pour t'oublier, je vais m'engager à t'ignorer, à détester celle que j'aimais.